Québec. Jean-Tiens de la France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tiens de la France à l'animation pour parler arts visuels. Cette semaine, on rencontre l'artiste Marc-Antoine Côté qui va nous parler de son exposition Printemps qui est actuellement à la galerie Michel Guimond. Il présente un corpus d'œuvres là où il prend un virage, si on veut, dans sa pratique de sculpture de métal. Et on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en profondeur. Et en seconde partie d'émission, il va y avoir notre chroniqueuse Myriam Dufour qui va revenir sur l'exposition Animals and Furniture qui est présentée par le duo Lutz et Gugisberg, qui est un duo suisse. C'est une invitation du commissaire de manif d'art, Jonathan Watkins. Et c'est présenté à l'œil de poisson, une exposition de céramique avec une projection vidéo, un univers assez particulier. J'ai bien hâte de savoir ce que Myriam Dufour en a pensé. Et tout juste après, ça va être Jean-Michel René qui va nous partager ses impressions sur une exposition de peinture qui a cours actuellement à la Galerie 3. C'est La boucle de l'artiste de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, en tout cas artiste, on va le savoir tout à l'heure, Andrea Mortson, qui allie donc des représentations de la nature dans un univers très coloré et onirique. Bien hâte de savoir également ce que Jean-Michel René a pensé de cette exposition. Et l'ambiance musicale cette semaine, c'est pas Simon Roy qui nous la propose parce que Simon a pris une petite pause post-radioton parce que le radioton, c'est un moment très, très énergivore pour toute l'équipe de CKRL. Et donc, on lui souhaite un bon repos et j'en profite également pour remercier tous les donateurs pour tout l'argent amassé lors de ce bel événement. Et la musique que je vous propose cette semaine, ce sont des pionniers de la musique électronique qui évoluent depuis les années 70, un groupe de Düsseldorf. Et j'imagine que vous commencez à deviner un peu de qui je parle. Ils explorent une espèce d'intersection entre le rock et la musique d'avant-garde. Et j'ai nommé Kraftwerk. Et on va commencer avec un extrait de la pièce de Robots. Я твой слуга, я твой работник. Thank you. Alors, on est en onde avec Marc-Antoine Côté. Bonsoir, Marc-Antoine. Allô. T'exposes en ce moment à la Galerie Michel Guimond un corpus qui s'appelle Printemps, une exposition qui s'appelle Printemps, un corpus de trois œuvres qui s'appellent toutes trois Printemps. En fait, il y en a cinq. Oui, il y en a cinq. Ouais, oui, voilà. Cinq il y a quatre qui... murales oui. Un peu similaires, disons. Oui. Puis... Mais les deux autres s'appellent Printemps aussi? Oui, c'est ça. Il y en a une qui est au sol, une espèce de boulette qu'on pourrait appeler. J'aime beaucoup ça, appeler ça des boulettes. Des boulettes. Oui, ça me plaît ça comme terme. Ça leur donne un caractère sympathique. Oui, voilà. Ça, c'est Printemps. Puis il y en a une sculpture qui a de la végétation sur le dessus qui s'appelle Fleurs. C'est voilà. Beau. C'est le printemps. Oui. Et avec Printemps, évidemment, on pense à l'idée de renouveau, d'une nouvelle année qui fleurit, qui commence. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de cette idée de vent, de renouveau derrière ce titre, parce que on en parlait un petit peu hors d'onde pendant la pièce musicale. Il y a quelque chose comme un point tournant dans ta pratique, on dirait, qui se passe avec cette exposition-là. Totalement. Puis ça, l'avenir nous le dira ouais. Si c'est vraiment un point marquant dans ma carrière. Mais mm-hmm. ce que je pense là actuellement, c'est un point marquant dans ma vie. Ça, c'est assurément, mm-hmm. Assurément vrai. Je considère plus ma pratique similaire à ce que je faisais il y a un an ou je sais pas trop. Puis l'espèce de point de départ, parce que ça fait pas longtemps qu'avec Michel, on s'est dit on fait ça une expo... Ouais. Dans la prochaine année et demie, admettons. Mm-hmm. Puis ça fait depuis novembre, admettons, que notre première rencontre. Puis là, je voulais travailler le bois. J'avais un désir de travailler le bois, le donc l'espèce de matrice qui a mené à ces œuvres qui sont présentées. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu sais, quand je parlais à Michel, je disais, je veux faire un grand tableau de bois qui va faire 10-15 pieds, je sais pas trop. Mm-hmm. Je pars de là, puis je compose un expo. Il me dit, oh, pas de souci, anyway, tu vas faire ce que tu veux. Oui, il y a une confiance aussi qui s'établit entre le galériste et l'artiste. Oui, voilà. Puis cette espèce de liberté-là était assez extraordinaire avec un galériste. Puis là, on a un temps assez limité, disons, de novembre à mars. Mm-hmm. C'est assez bref comme... pardon. Comme moment, donc j'ai une carte blanche totale, fais ce que tu veux, puis ça c'est le fun parce que tu sais j'ai pas de besoin de déposer un concept comme en centre d'artiste, mm-hmm. puis un an plus tard ouais, ou peut-être même deux. Ouais, c'est ça, c'est un peu lourd aussi ce processus là. Oui, tout mm-hmm. à fait, puis il se passe tellement de choses dans un an ou deux ans qu'on sait pas trop, tu sais. Bon. Et avec ton exposition Printemps, là, les gens sont peut-être un peu mystifiés, mais on va avoir le temps d'en discuter un peu plus en profondeur. Mais dans le communiqué de presse, il y a comme une espèce de petit poème. Oui. Oui, j'ai le goût de le lire. Oui, oui, puis on va le décortiquer ensemble. Donc, le titre, c'est Printemps. Un creuset, 150 livres, 660 degrés, 13 minutes. Redéfinir mes possibles, travailler à l'envers, préférer le chemin à l'arrivée, se perdre, délibérément, quitte à perdre, pour la beauté du fer, comme l'enfant et ses châteaux de sable, qui creusent à la recherche du bonheur. C'est... On voit dans ce petit texte-là, qui est très, très beau d'ailleurs, qui est très évocateur. On a beaucoup travaillé ces souvent, petits mots-là. Là, souvent, moins il y a de mots, plus il y a de travail. Hein? Oui, puis c'est vraiment l'essence de l'expo, je pense, puis de ma démarche du petit gars qui est dans son atelier, mm-hmm. puis qui essaie des affaires, puis qu'il ne sait pas trop si où ça va le mener. Mais c'est ça que je veux montrer, en fait. Et quand tu parles de redéfinir tes possibles, de travailler à l'envers, qu'est-ce qu'on entend par travailler à l'envers dans ce cas-ci? Ben en fait, c'est assez littéral au final. C'est que on parlait d'une grande murale en bois. Oui. J'ai commencé à travailler cette murale en bois-là. Mm-hmm. Puis là, c'est hyper long. Puis là, petit morceau par petit morceau. Donc, j'ai le temps de réfléchir énormément à ce que je suis en train de faire... Et tout ça. Puis là, à un moment donné, pourquoi je le ferais pas en fonderie? Mm-hmm. Puis tu sais, l'espèce de rêve de petit gars de prendre une louche d'aluminium dans un creuset, puis là, tirer ça dans un moule ou dans une matrice quelconque. Oui. Hey, pourquoi? C'est tout le temps. Puis là, j'appelle PA de Pierre-André de l'atelier du bronze. Puis là, j'y explique un peu au téléphone. PA, tu devrais... viens donc me voir à l'atelier à Québec. Il vient me voir à l'atelier. Puis là, j'y explique un peu mon affaire. Que, bon, j'ai cette matrice-là, en bois. Je veux pas la reproduire. Ouais. Je veux qu'on trouve un moyen de faire un truc en céramique ou je sais pas quoi. Là. Mm-hmm. Je connais pas trop ces procédés de fonderie-là. Puis là, il me dit, ah, ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis là, on avait un truc, c'est pas céramique, c'est plâtre silice. Mm-hmm. Puis là, tu pourrais jouer avec tes louches. Puis là, il me dit, on n'en a aucune idée ce que ça va donner. Parce que c'est comme travailler de manière que tu vois pas, parce que t'as ta louche, puis le métal, il travaille quand il refroidit. Ouais. Puis ouais. Moi, c'était vraiment ça que j'ai dit, ben, c'est tous ces accidents-là ou tous ces petits événements-là que je veux montrer. Puis quand je dis « quitte à perdre », oui, c'est que je ne savais pas ce que ça allait donner. Lui dit, j'en ai aucune idée non plus. On pense que ça va faire ci, que ça va faire ça, mm-hmm. mais on le sait pas, le résultat. Donc, c'est d'expérimenter quelque chose pour une première fois, quelque chose qui a jamais été fait, ni par toi, ni par toute la gang à la fonderie à Inverness. Et puis là, ça donne des surprises, des accidents heureux. Ça a été quoi les plus belles surprises dans tout ce processus-là de couler des louches d'aluminium dans un moule de bois? Ben, en fait, là, il était plus en bois. Oui. Le moule, là, il était en plâtre. Oui, à partir du bois jusqu'au... Oui, ouais, voilà. La plus belle, ben... Parce que il y a plein, faut le dire, il y a plein de petits détails très, très surprenants dans ces œuvres-là qu'on voit à la Galerie 3. Oui, puis assez méditatif, au final. Oui, Je trouve qu'il y a beaucoup de ça. On sent le bois. On le voit pas nécessairement, mais on sent le petit grain du bois. Du bois. Puis, tu sais, je pense que c'est du travail qui méditatif, contemplatif, mm-hmm. c'est quoi? Mais on se perd dans les détails, puis on... Ouais. Oui, c'est ça, il y a quelque chose du jeu visuel, tu sais, on se laisse prendre par ces petits détails-là, puis on se promène, ça devient presque un paysage, parce qu'il faut le dire, il y a des volumes, parce que c'est du 2D, mais il y a des volumes dans ces tableaux, si on peut dire, on peut dire que c'est des tableaux, en quelque sorte. Oui, du relief, je sais pas trop, là, des murales, là. Peu importe le mot, mais... Donc, les plus belles surprises... Ben, une des plus belles... Oui. C'est une petite anecdote. Mm-hmm. Donc, tu sais, le 13 minutes, c'est vrai que ça prend 13 minutes avant que le métal y fige dans le creuset de 150 livres mm-hmm. d'aluminium en fusion, machin. Mm-hmm. On en coule un, puis là, ça refroidit relativement facilement. Puis là, PA, il dit... Ben, on le démoule. Non. Pourquoi? Ben, tu peux pas voir ce que ça donne. Ben non, on a encore les deux autres. On avait deux autres moules de fête. Non, non, non. On coule les trois, puis après ça, on voit. OK. Puis il y avait tout ça dans des marges de... On verra à la fin. Tu sais, donc, je veux vivre cette espèce une... de moment-là que si on l'aurait démoulé, qu'on aurait vu, peut-être qu'on aurait changé nos procédés, ben oui. on aurait essayé d'autres choses, mm-hmm. Puis là, rapidement, j'ai dit, non, on laisse tout ça là, on va voir à la fin. Donc, il y avait vraiment une volonté d'être surpris toi-même. De me surprendre, oui. Oui. Puis de me surprendre, puis de m'amener ailleurs, en cause de la démarche, en cause de des techniques que je connais pas, que l'atelier du bronze, je connais pas trop, parce que c'est plus ou moins logique là, mm-hmm. de faire ça, puis qu'il y ait des bulles parce que l'humidité qui sortait du moule de plâtre qu'il y avait encore, puis là, ça faisait des gros cratères, des grosses bulles. Mm-hmm. Puis là, ben, moi, je voyais ça de dos, puis ça, c'est là à travailler à l'envers, c'est que je voyais jamais rien oui. de ce qu'on faisait. Puis là, l'idée, c'était, ben, poursuivons ça au maximum, puis à la fin de la journée, on démoule les trois, puis on voit si... s'il y a de quoi après, si j'ai un expo ou pas. Mais il y avait ce risque-là, là-dedans. Donc, c'est une prise de risque. Et là, il y a une expo. Oui, voilà. Manifestement, il y a une expo. Et on parlait en tout début d'entrevue, Marc-Antoine Côté, de ces deux pièces-là qui sont au sol. Oui. Il y a La Boulette, printemps... printemps numéro 5. Printemps numéro 5. Oui. On retourne aussi à des techniques qu'on te connaît. Oui. Mais t'as intégré aussi... des éléments qui sont similaires au tableau, au mur. C'est d'où proviennent ces éléments-là? C'est des retailles, c'est des ratés? C'est ça, mais l'espèce d'histoire là, oui. qu'on écrit ou qu'on ouais. fait en faisant de l'art, là, mm-hmm. ben moi, c'est la fabrication. Ouais. Tu sais, c'est le petit gars dans son atelier, puis là, qui se fait aider par plein de monde, puis là, bon, il y a l'atelier du bronze là-dedans, puis il m'aide, il me donne carte blanche, puis là, je joue avec le creuset, puis c'est extraordinaire. Moi, c'est mon meilleur trip de sculpture à vie, ça, c'est évident, mais tu vois, je m'en vais avec ça. Oui, ben, d'où proviennent ces morceaux-là que tu as intégrés dans oui, le printemps voilà. 5? Oui. C'est ça. Donc, à la fin de la journée, mm-hmm. quand on a fait, qu'on a coulé les trois, puis que là, il est 4 heures, puis là, Pierre-André, puis là... Tout le monde a très, très hâte de ouais, voir les résultats. On démoule ça, puis là, j'ai quasiment la larme à l'œil. Hey, il vient de se passer de quoi d'extraordinaire. Puis là, je regarde le moule qui est tout pété. Là, hein, il y a trois moules, il y en a un qui est vraiment trop scrap. Mm-hmm. Puis là, les deux autres, il y en a deux autres qui... mais semble qu'ils sont encore utilisables. Ouais. Puis là, j'ai réfléchi, je dirais une couple de minutes, mais c'est plus en secondes, disons. Mm-hmm. Puis là, je demande à Pierre-André, ouais, demain, là, je vais réfléchir à ça sérieusement dans la nuit, là, mais demain, on pourrait-tu faire une autre petite coulée dans ce moule-là? Puis je me ferais des flaques. OK, des petites crêpes. Ouais, puis là, Pierre-André, je comprends pas trop. Puis là, il y avait de la poussière au sol, puis là, j'ai dessiné des petites flaques. Au sol, dans la poussière. Mm-hmm. Puis là, je ferais une boulette, puis là, je mettrais des flaques. Il y a du coup très instinctif là-dedans, ouais. enfantin. Oui. Puis il y a vraiment de l'amusement, puis là, il dit, oui, puis là, mais comment ça va coûter? Bah, ça va coûter un petit ouais. montant d'argent, peu importe, mm-hmm. là. C'est pas ça l'important. Puis là, on fait, le lendemain, j'arrive, puis là, le technicien qui m'aidait, lui, était parti à 4 heures, donc il savait pas trop tous ces événements-là de 4 à le lendemain matin. J'arrive, hey, on s'en fait deux coulées. Ah ouais, ah cool. Donc c'est ça, c'est des flaques que j'ai mis dans le moule, puis je fais une boulette. Voilà. Une boulette. Mmh. Et là, t'as travaillé en coulant de l'aluminium. Puis, je suis un peu curieuse de savoir, c'est quoi les particularités de l'aluminium? Pourquoi avoir choisi ce matériau-là plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est la rapidité du travail? Est-ce que c'est la malléabilité du matériau? Oui, de ça, il y a beaucoup... je m'y connais plus en aluminium que qu'en bronze, par ouais. exemple. Puis là, couler de l'acier inox ou couler de, mm-hmm. du corten, disons, c'est plus compliqué. Ouais. Puis voilà, mais il y a aussi des questions pratico-pratiques, disons. C'est comme une murale, c'est 150 livres, puis là, en bronze, ça serait 450 livres, puis mm-hmm. là, les prix, puis en tout ouais. cas, bon. Il y a tout ça, mais j'aime beaucoup le fini. Ouais, il y a le fini, puis les possibilités que ça amène, mm-hmm. l'espèce d'immatérialité mm-hmm. de l'aluminium, puis de la façon que je la traite, surtout pour les pièces au sol, un peu lustrées, oui. un peu polies, mais c'est pas poli, mais donc t'es habillé en bleu, puis là t'es à côté, ben la sculpture va être bleue. Ouais. Parce que t'as le reflet, il y a cette espèce de notion-là d'aller chercher de l'environnement. Oui, c'est ça. Avec... Puis qu'elle se perd un peu. Mm-hmm. Puis là, on la met dans le gazon, ben, elle devient toute verte mm-hmm. au mm-hmm. sol. Puis ça, en art public, j'utilise beaucoup l'alu aussi, oui. Dans le même genre de fini. Puis voilà. Puis les pour ce qui est des pièces coulées au mur, est-ce que tu as retravaillé les pièces coulées après, ou c'est vraiment le résultat brut? Parce que tu as l'habitude de justement de venir polir, de travailler tes pièces. Et puis là, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de textures, mais est-ce que tu es venu intervenir aussi par la suite? Ben, en fait, ça a été vraiment une démarche, en fait, que j'ai fait ça en fonderie. Oui. Je suis revenu à Québec, je les ai accotés au mur. Puis là, je les ai juste regardés. Puis là, je me suis dit, je suis pas prêt. Je touche pas. On laisse mûrir un peu. On laisse mûrir ça. Je vais travailler les autres pièces. Je vais travailler les autres affaires à faire. Puis là, de plus en plus que j'y regardais, que je vis avec. Puis là, ça va juste être des lavés, disons. Mais bon, avec tout plein de procédés, avec des brosses d'inox, puis tout ça. Mais pour garder un peu plus brut. Ouais. Tu sais, c'est quasiment ça, le résultat final qui sort de la fonderie. Seule chose que j'ai faite, il y a de quoi de d'enlever le coupant, disons. Ouais. Parce que moi, mon travail, en général, on est toujours porté à vouloir toucher, puis je veux ça, puis que les enfants qui touchent, puis aucun souci, c'est fait pour ça. Oui, c'est de l'aluminium, là, ça se désintégrera pas. Tu sais, il faut que j'enlève le coupant, puis tu sais, tout ça, mais j'ai essayé de les laisser le plus brut possible. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment... On est en contact avec vraiment le processus. Oui, voilà. Puis toutes les surprises qui sont venues avec ces coulées-là. Et moi, personnellement, j'étais très intriguée. J'aurais beaucoup aimé voir derrière. Oui, oui. Toi, ce que tu voyais, ce que tu as vu toute la journée pendant ce processus de couler d'aluminium sur les moules, ça a l'air de quoi derrière? C'est pas si intéressant. Je vais utiliser l'image printanière, disons. C'est comme si on mettrait de la tire, l'eau d'érable, puis là, qui fige sur la neige. Puis là, on en met tout plein. Ouais. Puis là, ce qui se superpose. C'est un peu comme ça. Mais oui, puis là, à un moment donné, je me posais la question, est-ce que je les présente autrement pour qu'on voit les deux côtés? Puis mais ça, c'est tous des choix qu'il a fallu que je fasse. Puis là, je fais tel choix. Puis ça donne un expo. Mais tu sais, le processus n'est pas terminé. Et je sens qu'il je sais pas si c'est des œuvres d'art, c'est pas à moi d'en juger, mais c'est des pièces marquantes dans ma carrière, ça c'est sûr. En tout cas, c'est vraiment une très très belle expo. Puis juste une dernière question sur le pot de fleurs, parce qu'il y a une des œuvres qui est une œuvre qui est plus grande qu'un être humain. Puis au top, il y a des fleurs qui sont plantées, donc c'est carrément un pot de fleurs. Il y a quelque chose de pourquoi t'es venu ajouter un côté utilitaire à une œuvre d'art? C'était pas ça c'est pas le côté utilitaire, mais parce que ça, ce projet-là, quand je travaillais le l'espèce de mural que je voulais 10-12 pieds bien noir, et je voyais cette petite maquette-là qui traînait dans mon atelier, que j'avais présentée pour un autre projet en art public, tout ça. Puis là, il me semble que ça marcherait bien. Il me semble qu'il y aurait un dialogue super intéressant. Puis là, puis dans le projet d'art public, il y avait de la végétation. Okay. Dans ce cas-là, je pense que c'était du gazon ou des autres herbes, tout ça. Puis là, je trouvais le lien super le fun avec l'espèce de mural noir qui était censé... Donc, un cousinage assez intuitif là, qui est venu s'installer. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais qu'elle détonne un peu. Quoi qu'elle fait le point dans l'expo, je trouve. Oui, tout à fait. Mais, tu sais, quand je suis allé installer l'expo, je me disais, il y a une chance sur deux que je reparte avec à l'atelier. Ouais. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Puis l'idée de la végétation, puis l'inaccessible qui est plus haut que nous, puis là. Il y a tous ces petits concepts-là, un peu bâtards, mais oui, de quoi de vraiment enfantin, en fait. Puis pourquoi des fleurs? Pourquoi ce ne serait pas des épis de maïs ou je sais pas quoi? Oui. Ça pourrait être n'importe quoi, mais... Ouais. Ben, c'est printanier, en tout cas. Oui, voilà. Merci beaucoup, Marc-Antoine Côté. Nous, on va partir en pause publicitaire. Et cette exposition-là, Printemps, est présentée à Michel Guimond jusqu'au 28 avril. Merci. CKRL. Communication, culture.

l'œil de poisson. Donc, c'est un solo qui est présenté dans le cadre de Manif d'art. On a de la céramique, on a de la vidéo, puis on entre vraiment dans le processus des artistes. On est plongé dans leur univers, en quelque sorte. Oui, vraiment. Puis, parlant d'univers, j'ai regardé beaucoup d'entrevues puis de vidéos des artistes, puis je me suis rendu compte que ces gens-là sont vraiment passionnés par l'art. Ils en parlent comme si c'était... Ben, en fait, c'est carrément leur vie. Puis j'ai écouté un peu ce qu'ils disaient par rapport à leur démarche. Puis eux, ce qui est important pour eux, c'est vraiment de créer un monde, comme tu viens de dire, un univers entre le terrestre, mais aussi un univers terrestre, mais en même temps un univers un peu imaginaire. C'est très surréaliste. Oui, c'est comme ça. Pratique. Puis un peu qui nous fait douter, mais en même temps, on se sent réconforté par quelques éléments. Puis aussi, eux, ce qui est important, beaucoup pour eux, c'est la liberté du visiteur. Ils aiment vraiment ça quand il y a plusieurs interprétations possibles ou quand il y a beaucoup d'émotions. N'importe quelle émotion, on peut vraiment détester leurs expositions, puis ils vont être quand même contents parce qu'on va avoir vécu une émotion. Même si c'est négatif, ils sont super contents. Puis c'est ça qui laisse beaucoup de liberté aux visiteurs. Puis, comme j'ai dit tantôt, ils créent des espaces, des univers, des espaces libres, des espaces de transition, comme ils disent. Puis, donc, c'est comme un espace de fantaisie qui pousse les gens à penser, puis à contempler et à imaginer. Puis c'est vraiment ça qu'ils prennent. C'est un univers comme que le visiteur va découvrir, va se pencher pour voir les objets, va se rapprocher le plus possible. Oui, parce que là, la majorité des œuvres, puis là, il y en a des centaines, là, sont au ouais, sol. Oui, il y en a plus que 1200 figurines, en fait. Oh, 1200, ouais. Mais c'est ça. Donc, il y en a, sont toutes au sol, sous des petites figurines en terre cuite, en terre brune. Là. Mm-hmm. Il y a quelque chose de très enfantin aussi pratique-là, dans le fer, dans ces petites figurines-là. Un peu comme on modèle la pâte à modeler quand on est enfant. Là. Oui, surtout qu'on voit les 1200 figurines par terre qui sont exposées au sol. Puis devant, il y a une vidéo qui on voit les mains des artistes en train de fabriquer les figurines en argile. Puis ça rajoute un côté humain à l'exposition parce que les figurines, ça ressemble à des petites espèces comme entre l'animal et l'objet. On ne sait pas trop exactement c'est quoi. Des fois, on a des référents, on voit des doigts ou des... il y avait des sandales, il y avait des animaux, des serpents. On trouve des éléments qui nous sont familiers. Mais en même temps, on se demande un peu c'est quoi. On a l'impression d'entrer dans une genre de civilisation, ou genre un monde qu'on connaît pas, ou même des fois ça faisait penser, ben c'est comme il prône, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Moi j'ai vraiment vu une civilisation d'espèces qu'on connaît pas vraiment. J'étais allée avec un ami, lui il voyait ça vraiment comme une savane avec plein d'animaux. Mm-hmm. On pouvait voir ça aussi comme une armée. Oui, parce qu'il y a quelque chose du troupeau avec cette accumulation là, cet ensemble d'animaux. Il y a quelque chose du troupeau. On pourrait penser à l'Arche de Noé quelque oui, part aussi là. Oui. Mm-hmm. Les éléments sont disposés aussi de manière linéaire. Oui, ils se dirigent. C'est pas chaotique là, comme disposition. Mm-hmm. Seul, oui, c'est ça. Il y a clairement une logique. Puis aussi, les éléments sont souvent du plus petit au plus grand. Ça fait comme une évolution. Puis c'est clairement une réflexion sur sur l'humanité, sur notre histoire aussi. On voit, comme l'Arche de Noé, on voit plein d'animaux qui ont l'air de se diriger vers quelque part. Puis aussi, comme je disais, le fait qu'on voit le processus de fabrication des petites figurines, ça rajoute quelque chose d'humain dans l'exposition. Puis il y a un jeu d'échelle aussi qui est super, oui, qui est super important parce que cette projection-là, elle est énorme. C'est énorme, oui. Et les animaux sont miniatures, donc on est vraiment projeté dans une espèce de lieu entre le très très grand et le très très petit. Oui, là, ça crée une espèce de vertige aussi. Oui, il y a une confusion qui s'installe. Oui. Mm-hmm. Puis quand je suis rentrée dans l'exposition, je me sentais un peu intrus aussi, vu que c'est plein de petites figurines minuscules, pas plus gros qu'un pied, tu sais. Puis là, j'en ai botté une au vernissage. Ouais. L'artiste est parti à rire à côté, mais c'est pas trop inquiété. Ouais, ben eux, de toute façon, ils veulent vivre, qu'on vive des émotions, tu sais. Oui, c'est correct. J'en ai vécu une. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de la contemplation aussi, là, dans la manière que c'est amené avec la vidéo, puis aussi toutes ces sculptures-là qui sont au sol. Moi, je l'ai remarqué au vernissage, on dirait que tout le monde rentrait dans la pièce, puis se trouvait un coin où juste y rester pour un temps. Il y avait la bouche ouverte. Puis ils vont chercher l'émerveillement là, quelque part. C'est ça. C'est vraiment un univers de contemplation. Puis c'est absolument ça qu'ils veulent créer avec leurs œuvres. Ils disaient que ils voyaient leurs œuvres puis leur art comme pas un cadeau, mais comme une occasion pour les spectateurs de justement prendre un temps pour contempler, pour réfléchir, puis de rentrer dans son univers aussi. Mm-hmm. Puis, Il y a beaucoup de quoi de l'imagination. Oui, vraiment. C'est ça. Oui, puis de réfléchir aussi avec ce qu'on fait avec l'environnement, évidemment. Tu parles d'une civilisation. Est-ce que c'est une civilisation qui aurait disparu? Mm-hmm. Ou est-ce que c'est une civilisation qui surgirait après un certain temps? Tu sais, oui, on pense à l'évolution de l'environnement, de l'écologie, de ce qui se passe sur la planète aussi. Là. Oui, exactement. Puis... on a l'impression d'entrer dans un monde comme inconnu, puis il y a plein de formes abstraites, mais en même temps on voit les mains des artistes, donc ça, il y a comme une tension entre l'imaginaire justement avec plein de créatures qu'on connaît pas beaucoup, mm-hmm. puis les mains de l'artiste qui sont là pour comme nous ramener dans notre monde aussi, dans le processus, dans la réalité. Ouais, puis aussi l'atmosphère qui se dégage de l'exposition, bien, c'est très sombre, il y a peu de lumière. Donc, ça nous pousse aussi à se rapprocher des figurines, de se pencher, voir, on découvre des choses. Ça donne le goût de les montrer aux autres visiteurs qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'on a découvert. Puis aussi, comme tu disais tantôt, c'est un peu une réflexion sur notre rapport à l'environnement, notre rapport à l'humanité, dans le sens que... on voit, quand on rentre dans l'exposition, on voit qu'il y a énormément de matériel. Il y a plein de figurines, plus de 1200. Mm-hmm. Donc, je pense qu'ils voulaient faire aussi le fait qu'il y a tellement beaucoup d'objets, c'est le fait qu'on est souvent... on a beaucoup de matériel avec nous. C'est comme une critique du fait qu'on a beaucoup de... La surconsommation. Oui, la surconsommation, mm-hmm. c'est ça que je cherchais comme mot. Mm-hmm. Exactement. L'accumulation d'objets, la volonté d'aller toutes les fins de semaine au centre d'achat pour acheter des nouveaux objets, puis aller remplir un trou à quelque part. Là. Puis on se perd là-dedans un peu, mm-hmm. ça crée comme un labyrinthe avec des chemins, puis on passe par-dessus, puis je trouvais ça super intéressant comme réflexion. Ben, merci beaucoup, Myriam Dufour, d'avoir partagé tes impressions sur l'exposition Animals and Furniture du duo Lutz et Guggisberg, qui est présentée actuellement à l'œil de poisson et ça se termine le 21 avril. Oui. Nous, on va prendre une petite pause musicale avec un extrait de Autobahn de Kraftwerk. Et au retour, c'est Jean-Michel René qui nous parle de la boucle d'Andrea Mortson. Oh. Alors, Jean-Michel René, t'es allé voir l'exposition La Boucle d'Andrea Mortson à la Galerie 3. C'est une exposition essentiellement de peinture. Là. Oui, oui, c'est ça. Andrea Mortson, c'est une artiste peintre canadienne que moi, en fait, c'était une découverte totale. Je pense que... C'est la première fois qu'elle expose à Québec, je pense. Non, je crois pas. Ah oui? Ben, je sais pas, mais de ce que je sais, c'est que... OK, on s'avancera pas là-dessus. Non, c'est ça. Mais je crois que c'est une artiste qui est représentée par la Galerie 3 depuis assez longtemps. Okay. C'est pour ça que je doute peut-être. Que... Okay. Mais bref, on fait nos recherches. Oui. Après. mais oui, c'est ça, j'ai été voir The Curl, ben, la boucle en fait, puis oui. The Curl en anglais, d'Andrea Mortson. Puis en fait, le titre est super intéressant parce que c'est beaucoup la pratique d'Andrea, c'est très coloré, c'est beaucoup dans l'idée de l'imaginaire. On est dans des constructions un peu de. Ben, c'est toujours très près de la réalité, mais il y a toujours une idée du rêve, un peu de la déformation. Oui, c'est très onirique, puis on va chercher aussi du côté de l'illustration, de la bande dessinée avec ses personnages. Oui, beaucoup. Mm-hmm. Puis avec le titre, je le trouvais toujours très bien placé. En fait, parce que l'idée de la boucle, c'est comme un peu une chose qui obligatoirement nous montre un côté, le recto, le recto et le verso. Oui. En fait, puis c'est un peu ça, c'est comme un peu un parallèle avec la réalité. On a comme toujours cette comparaison-là dans le travail d'Andrea qui est comme d'un réel, mais aussi d'une torsion du réel qui est manifestée par l'imaginaire un peu dans ses travaux. Donc, comme si on ouvrait notre imaginaire puis on avait comme notre rêve exposé. Là. Oui, oui, c'est ça. Mais elle utilise beaucoup de stratégies qui sont propres un peu à la bande dessinée, justement, avec ses bulles, un peu les bulles de pensée, où elle utilise pour après ça proposer une espèce d'univers qui est très. Très explosif de couleurs qui fait souvent aussi qui fait souvent référence un peu au monde de l'art, mais au monde de l'art un peu il y a quelque chose d'hallucinatoire aussi là, dans ces images-là, avec des couleurs saturées, des couleurs donc on rentre dans une espèce de monde d'hallucination ou de rêve quelque part. Oui, puis elle fait beaucoup aussi je trouve que c'est ça, c'est son lexique qui est un peu propre à elle, qu'elle récupère beaucoup comme son style de travail. Je sais que pour avoir écouté des entrevues lorsqu'elle parlait de son travail, c'est qu'elle se réfère beaucoup à, on dirait, une époque de l'adolescence ou de l'enfance, où qu'elle a commencé un peu à devenir artiste ou à travailler un peu, à avoir cet intérêt-là pour l'art. Puis on sent aussi qu'il y a comme un peu cette nostalgie-là dans les propositions qui sont souvent des fois imagées. Puis je pense à, entre autres, une œuvre qui s'appelle Always or Never, qui utilise justement la stratégie de la bulle, où ce qu'on met en contradiction, en fait, c'est elle qui se représente en tout petit, traversant un pont entre deux bulles d'idées. Puis en fait, c'est qu'elle transporte ses œuvres de l'atelier vers le monde de l'art, mais c'est comme l'art qui est un peu... Vous pourrez aller voir sur le site Internet, les œuvres sont présentées de la Galerie 3. Et puis l'ensemble autour est très, très sombre, très, très drabe, très uniforme. Puis il y a ces deux bulles-là où c'est vraiment des explosions de couleurs, de végétaux. C'est très végétal aussi. Là. Ça sent le printemps, cette exposition-là. Oui, oui, oui, on s'entend. Ouais. Puis elle a beaucoup tendance aussi à travailler pas en série, mais c'est souvent une proposition comme là, cette exposition-là de Curl ou la boucle. C'est vraiment comme une sorte, il y a une idée, puis là j'ai senti qu'il y avait beaucoup de l'utilisation de la fleur, les arrangements floraux aussi. Il y a aussi le symbole de la tête de mort qui est utilisé dans plusieurs de ses peintures, autant comme symbole, disons, plus... C'est sûr que quand on a une tête de mort, on pense à la Vanitas. Oui, oui, oui, oui. Entre autres, mais aussi, je pense à un autre tableau où ce qu'elle se représente avec un t-shirt ou ce qui est les cheveux colorés. Ça me rappelait peut-être un peu une époque de l'adolescence où ce qu'on est. Oui, on écoute des bandes de métal, on se sent un peu sombre à l'intérieur. Puis... Oui, puis la tête de mort est peut-être un peu plus dans un symbole de révolte. Oui, ouais. Puis dans d'autres tableaux, justement, comme un tableau qui s'appelle The Arrangement, qui, justement, c'est un tableau où ce qu'elle se représente en dormant sur son pupitre ou ce qu'elle travaille, puis s'ensuit comme tout un foisonnement d'imaginaire, de fleurs, mais elle a utilisé le principe de mise en abîme, où on voit dans le coin de l'image droite le même tableau, en fait, qui est représentée, mais plutôt que de se représenter elle elle représentait un squelette, en fait. Fait que c'est un peu l'idée de, du... Le squelette de sa propre mort, là, qui est toujours là, qu'on sait qu'elle existe, qu'elle va venir. Puis aussi un peu l'idée de revenir chercher la pérennité un peu de l'art, ou ce caractère-là qu'on a souvent dans la pratique. Elle fait beaucoup de retours sur la pratique, qu'est-ce que ça implique. C'est beaucoup dans le processus intérieur, c'est quoi ça implique aussi de faire de l'art. Mm-hmm. Puis est-ce qu'on... devient un peu un legs malgré nous, ouais. D'une certaine manière. Fait que j'ai trouvé ça très... Et très, très beau, ce tableau-là. Moi, ça m'évoque du Redon, quelque part, du long Redon. Tu sais, avec des côtés de peinture beaucoup plus dilués, puis une tendance à l'abstraction parfois, mais un côté très, très ornemental, floral aussi. Oui, c'est très... moi, j'ai trouvé que c'était une super expo, puis c'est vraiment à aller voir, à découvrir. C'est ça. Puis l'exposition est présentée jusqu'au 21 avril. Oui, à la Galerie 3. À la Galerie 3. Puis... Ben, merci beaucoup, Jean-Michel, d'être venu me parler de l'exposition La boucle de Curl. D'Andrea Mortson. D'Andrea Mortson. Et nous, on va partir encore pour une pause musicale avec un extrait de Trans Europe Express, parce qu'on n'a pas le temps de l'écouter au complet, celle-là. Alors, c'était la pièce Trans Europe Express du groupe mythique électronique allemand Kraftwerk. Et c'est l'heure de l'agenda de la semaine. On vous parle de ce qui se passe dans le monde des arts visuels à Québec. Et ça débute dans un instant au musée Huron-Wendat à Wendake. L'événement TTTTT, la tente tremblante, de la tente tremblante à la tente parlante en art autochtone actuel. C'est une conférence et performance avec Guy Sioui-Durand et Manon Sioui à partir de 18h30. Demain, 4 avril, il va y avoir une installation vidéo de Ruben Guzman, c'est la boîte de Pandore. Donc, c'est une présentation de résidence que l'artiste canado-argentin a fait à Spira et il s'est présenté dans les bureaux de la bande vidéo à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Et demain, toujours à 17h30, à la maison Amel Bruno, ça va être le vernissage de Yvan Binette, Voyager du regard, revisiter le paysage. C'est une exposition rétrospective de l'artiste photographe qui couvre 27 années de sa pratique artistique. Et un peu plus tard en soirée, il va y avoir le lancement du livre Roche, Plante, Mer, Bois, qui est un projet de collaboration entre Amélie Laurence Fortin et Audrey Demers-Roberge. C'est à partir de 19h dans les locaux de Critérium sur la rue du Pont. Vendredi, le 5 avril, il va y avoir à Pêche Sherpa un double vernissage en 5 à 7. D'abord, Vera Heller qui présente Parcours imaginaire dans la galerie et dans la vitrine. C'est une exposition qui s'appelle Si petit, si grand. C'est une installation collective réalisée en collaboration avec les artistes Sophie Maude Dumas et Angela Eve Marsh. Et à quelques coins de rue de là, à la Galerie 3, en 5 à 7, il va y avoir une rencontre avec le Cercle des collectionneurs d'art actuel, Claude Bélanger, directeur artistique de Manif d'art, et Michel Drabeau, commissaire adjointe de Manif d'art 9, vont être là pour une discussion qui va être animée par Norbert Langlois, cofondateur du Cercle des collectionneurs d'art actuel, et copropriétaire de la Galerie 3. Donc, on va parler de Manif d'art, de ce qui s'y est passé, de comment ça s'est monté, ce beau projet-là. Et samedi 6 avril, il y a plusieurs activités également. D'abord, un atelier d'exploration de la technique de l'estampe avec l'artiste Sarah Boot. Ça débute à partir de 9h30. C'est à la maison Tessier dit La Plante sur l'avenue Royale à Beauport. L'atelier s'adresse aux 12-17 ans, mais les adultes, évidemment, sont bienvenus pour venir participer à l'atelier. Et il y a également des portes ouvertes aux ateliers RC Ricard au 281 rue Saint-Vallier-Est à Québec. C'est de midi à 17h, toujours samedi. Ça va être l'occasion de rencontrer une douzaine d'artistes du domaine domaine artistique multiple qui vont ouvrir les portes de leurs ateliers, donc en joaillerie, musique, photographie, vidéo et art visuel. Une belle façon d'aller rencontrer des artistes dans leur lieu de travail. Également samedi, il va y avoir une table ronde au Musée national des beaux-arts du Québec à partir de 13h. C'est une table ronde intitulée « L'art peut-il changer le monde » ou « Le pouvoir de l'art sur la société ». C'est organisé par le regroupement des artistes en arts visuels dans le cadre de Manif d'art encore. Et c'est avec Martin Bureau, Martin Pantois et André Michel, et c'est Georges Azaria qui va animer cette belle table ronde, belle occasion de réfléchir sur le pouvoir de l'art sur la société à partir de 13h au Musée national des beaux-arts du Québec. Et la semaine prochaine, il y a des ateliers qui vont être présentés, qui vont être offerts pour les artistes à la Chambre Blanche et chez Avatar. À la Chambre Blanche, c'est un atelier d'initiation à la modélisation 3D. Et du côté d'Avatar, c'est une initiation à l'électronique avec l'artiste Nadie Larchet. Donc, si vous voulez participer à ces ateliers-là, contactez la Chambre Blanche ou Avatar pour vous inscrire parce que c'est des activités qui se font sous inscription. Et donc, je termine en remerciant notre invité Marc-Antoine Côté, nos collaborateurs Myriam Dufour et Jean-Michel René. Et merci à Jacques Gignac, le Andy Warhol de la console. Et je dis bienvenue à Pierre Blais. Bonsoir, Pierre. Allô. Donc, on parle d'un... On parle d'un éléphant. T'oublies tout le temps le petit thème. Oui, je vais finir par ne pas l'oublier. On parle d'un éléphant avec des grandes oreilles, mais qui est donc cet éléphanto? Ben oui, c'est un souvenir de notre enfance qui n'a pas vu le dessin animé Dumbo, qui méritait peut-être d'être revampé, sauf que cette fois-ci, c'est pas un dessin animé que Disney nous offre, mais réellement une version humaine. Humaine. Là, je parle d'un éléphant, ça fait un peu drôle, là. Disons, avec des acteurs et des actrices, entre autres Eva Green qui se retrouve là-dedans. C'est une réalisation de Tim Burton. Donc, on connaît l'imaginaire foisonnant de Tim Burton. Il a travaillé évidemment avec un faux éléphant pour les scènes, notamment où il vole, parce que Dumbo, il a des grandes oreilles qui lui permettent de voler. Oui, un peu comme des ailes. Et au même titre que Bambi, c'est un porte-étendard de l'univers Disney. Et là, on va en connaître davantage avec Laurence Tremblay, qui est allé voir le film. Est-ce que ça met Disney sous un beau jour ou non, sous l'œil de Tim Burton? Ben, on va savoir ça après la pause. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.